La revue d'Internet Nepal Today est la page d'Internet du Comité national d'études des justes du Congo démocratique, de l'association d'amitié Back to Sunchak Corée et du forum allemand anti-impérialiste ont présenté du 13 au 16 la lettre ouverte adressée aux États-Unis par les participants à la conférence conjointe du gouvernement, de partis politiques et formations sociales de la République populaire démocratique de Corée.